Les kebabs. Pas de radio, mais pas d'insultes. De Gérard. Et voilà donc le premier disque que vous venez d'écouter, c'était Gérard Rustine avec une hanche en bois et une rotule de en plomb. Et là, vous venez d'écouter à l'instant les casques bleus avec... On part en mission dans l'anus d'un surinois. On revient sur... Donc, vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. C'est Manu qui est au standard. Oui, bonsoir, je vous attends nombreux. Donc, rebonsoir à toi, Manu. Rigaud, toujours sur l'internet www.fr oui, Fun Radio. Oui, c'est exactement ça. Et Fildar qui est à l'aria. Salut. Donc Manu sera tout seul parce que j'ai viré Pauline à la chier. Ouais, et je veux juste saluer Magali, sinon elle va faire la gueule. Ok, ben voilà. Donc pour ça, on va accueillir Croix Blanche. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Donc t'es où? T'es où là? Je suis dans un avion transporteur de médicaments en direction du Kosovo. Nous soyons coupés sous des tunnels. Manu, je ne quitte pas. Manu, ça bombarde. Manu, tu commences déjà à me la calmer. La calme, pas de problème. Ah, on a été touché. Gauche. Ça a l'air chaud. C'est qui a de la musique derrière là? Ah, c'est pas moi. Ça doit être l'avion, hein. Ah ouais. Parce que là, ça commence à bien faire. Ça commence. Ferme la porte. Croix Blanche. Nous sommes en direct. Croix Blanche, tu t'écrases. Croix Blanche, au revoir. Hop. Faites attention quand Gérard parle, vous l'entendez pas, on dirait. Croix Blanche, tu lui dis bonne nuit, elle reste dans son avion pour aller en direct du Kosovo. Ça, c'est même pas la peine qu'elle fasse le débat. Ça aurait pu être intéressant. Terminé pour elle. Ça aurait pu être sympa, c'est vrai. Non. Nous avons atterri. Croix Blanche, au revoir. Si mon portable se décharge. Ouais, bah c'est bien. Alors, hop, bonne nuit. C'est quoi ce nom là? La Feignasse. Ouais, la Feignasse. La Feignasse, 23 ans, on écoute Fun Radio à Hoche sur 98.7, pardon. Voilà, bonsoir GG, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Rogo. Excusez-moi. Rigaud de Michel. Rigaud de Michel, pardon, excuse-moi, parce qu'on on a été tellement vite pour prendre les listes. Ouais. Donc Bordeaux 91-8. Oui, tout à fait. Bonsoir GG, bonsoir l'équipe, bonsoir les salut. Éditeurs. Oui. Celui qui s'amuse à mettre du Das Puck. Non, c'est celui qui est en Inde, il revient. Ouais, celui qui fasse derrière. C'est du Das Puck, ça. Il arrête. Et Patrick, donc ouais. 21 ans, donc de plaisir, 101.9. Oui. Rebonsoir à toi. Bonsoir. Vu qu'elle a presque pas fait le deuxième débat, le premier débat, j'ai demandé est-ce qu'elle se revient sur le deuxième. Ok, d'accord. Donc la question, vous l'avez tout le monde l'a compris? Non. Bon, alors. Donc, je la répète, et c'est la dernière fois que je répéterai les questions. Mmh, donc, quel genre de don peut-on faire? Ah, c'est d'accord. Une question. Alors, on va demander ça à la feignasse. Oui, alors on peut faire des dons de n'importe quoi. On peut donner des vêtements aux gens qui ont moins d'argent. On peut leur donner un peu d'argent aussi, comme le font les grands, comme Michael Jackson. Non, mais attends. La question, c'est quel genre de don peut-on faire? Oui. Ah oui. Bah donc alors, c'est toi qui donnes un don à quelqu'un. Donc c'est quel genre de don que tu peux faire? Ah, tu peux faire de don de tout, d'un appartement, d'argent, d'un rein, de ton corps. Non, attendez. Attendez, parce que là, 5 minutes, la feignasse, hein, tu m'excuseras. Ok. Manu. Oui, je voulais juste te dire que à la place de Croix Blanche, on allait accueillir Boule à Zéro. Alors, boule à zéro. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Quel âge? 21 ans. 21 ans, t'appelles? T'appelles d'où? Ah, excuse-moi, non, j'appelle de Paris. La fréquence, parce que je suis... C'est un portable, ça, vous? Ouais, c'est un portable. Je suis désolé, non, mais j'ai que ça. Non, pas de portable. J'ai que ça. Oh non, pas de portable, vous. En plus, ça sent. Pourquoi? Ça sent, et c'est pas bon, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, 101.9, parce que je voulais jouer quand même. Bon, donc... Ouais. Oh, c'est bizarre. Ouais, la peignasse. Oui, oh, la peignasse, donc, pour toi. Non, mais attends. Non, mais, ouais. Mais justement, alors, quel genre de don peut-on faire? Donc, tu me... Là, on parle pas des maladies, parce que justement, avec Rigaud, on avait vu la question qui passera en numéro 2. Ouais. Donc, on voulait justement... passer ça sur les maladies, on a dit non. Donc on va ne pas, disons, moi sur les maladies, je vais la poser sur la 2. Okay. Donc quel genre de don peut-on faire? Donc c'est pour autre chose. Oui. Si tu veux pas parler de maladie, tu peux faire des dons de n'importe quoi, genre d'une de tes vieilles chemises, tu peux la donner, tu peux faire ce que tu veux en fait. Mmh. Ouais, mais justement, donc on revient, on va aller vite fait, on va abréger, parce que je pense que tout le monde derrière, ça va être pareil, vont me redire pareil. Ouais. Donc je pense qu'on va revenir sur l'histoire du Kosovo et ce qui s'est passé il y a à peu près combien de temps, Fildar ou Rigo, Manu? Oh, ça fait combien de temps qu'il y a la guerre? Non, mais... Ça fait combien de temps que ça sent le chien mouillé à l'antenne, c'est ça? Le chien mouillé, ça fait 2 heures qu'il sent le chien mouillé, ouais. Non, mais tu sais, là, ce qui s'est passé en Yougoslavie, là... Je sais pas au courant, moi. Coloco? Non, pas au Kosovo, là. Au Kosovo, ça fait 3-4 semaines qu'ils se tapent dessus. Mais en Yougoslavie, là... Ah oui, avant il y avait les Serbes et les Croates. Ouais, voilà. Donc là, c'est pareil, fallait que les gens fassent quelque chose pour ça. Ah, oui. Donc, t'es d'accord avec moi, je pense, la feignasse. Non. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est clair. Mmh. Non, mais, oui. Tu crois pas que quand on fait un don, quand même, ça vient du cœur, quand même. Ah bah oui, Sinon, si ça vient pas au fond du cœur, ça sert à rien de faire un don. Oui, mieux que ça vienne du fond du cœur, hein, je le dis. Ouais, mais non, mais faut se dire une chose, c'est que la question, on va peut-être pas l'aborder parce que je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Ah merde. Ah, c'est pas bon. Parce que tu as les moyens aussi de faire un don. Parce que voilà. Si tu n'as pas les moyens, tu peux pas le faire. Non, attendez. Qui c'est qui est pas d'accord? Patrick, oui, pourquoi t'es pas d'accord? Parce que t'es forcément un petit objet qui traîne quelque part, ouais. Et tu peux donner, donc tu peux toujours donner. Ouais, non, mais attends. Non. Attendez, s'il vous plaît, derrière. Laissez finir Patrick, après on va voir. Bon, Patrick, alors, vas-y. Ouais, je veux dire que tu peux donner n'importe quoi à partir du moment où c'est utile. Donc, c'est pas une question d'être riche ou pas, quoi. À partir du moment où t'as un paquet de pipes, ben, tu peux toujours donner un petit truc. Patrick, ce que tu veux dire, c'est que tu serais prête à donner, par exemple, du dentifrice, voilà. Des pâtes, tout ce que tu peux essayer de trouver. Ouais, mais ça, c'est parce que tu t'en sers pas, que toi, tu veux donner de l'entreprise. Attends, qui c'est qui parle, là? C'est Rigaud de Miché. Bon, alors, attends, Rigaud de Miché. Oui. Pour l'instant, moi, je vais te dire une chose. Je vais répondre à la question à Patrick. Donc, ta question, Patrick, c'était, toi, tu donnes du dentifrice, tout ça, parce que apparemment, Rigaud de Miché disait, c'est ce que tu te sers pas. C'était pour toi, Gégé, que je disais ça. Ah, ouais, mais attends, moi, j'ai pas besoin de ça, moi, je vais sentir bon. Moi, j'ai pas besoin de dons, j'ai pas besoin de personne pour, je m'amuse pas à demander des dons, hein. Non, mais toi, tu peux donner. Non, mais toi, t'as un don. Non, mais moi, de toute manière, nuance. Est-ce que toi, t'as donné, t'as rendu ou t'as vomi? Non, moi, je vais vous dire une chose. Une fois, j'ai donné quelque chose. Tu l'as pris, mon voleur. Non, 5 minutes, là. Tout le monde, il dit que t'as fait don de ta trousse de toilette, il y a 5 ans. Ouais. Non, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Gaudemiché, Rigaud de Miché, là, pour l'instant, vous me laissez finir. Je vais répondre à... tu me le mets... Je vais répondre. Donc, moi, je peux vous dire une chose, que une fois, j'ai fait un don, j'ai donné quelque chose. Mais quoi, qu'est-ce que t'as donné? J'ai donné, ce jour-là, j'avais 20 balles sur moi, j'ai donné 10 balles pour la recherche contre le sida, et maintenant, ce que la question que tout le monde va se poser, c'est est-ce que l'argent ira à la recherche? Ouais, ça, c'est la bonne question. Ça, déjà, moi, je peux vous dire une chose. À cause de l'arc. Non, attention, le sida, c'est pas pareil. Le sida n'est pas pareil. C'est à cause de l'arc, l'arbalète et tout ça. Attends, c'est qui là qui vient de parler comme ça? Rigaud de Miché. Ouais, bah alors, Rigaud de Miché. Non, mais il disait. Manu, tu le calmes, tu lui dis qu'on parle pas de. Ok. Gérard, donc. Oui, Patrick. Bah, est-ce que alors tu crois qu'il y aura de l'argent et pas? Bah, disons, il y a une question qu'il faut bien se poser. Ouais. Hein, c'est de savoir quand tu fais le don. Mm-mm. Par exemple, quand tu vas pour la recherche pour l'homéopathie ou ouais. pour l'arc. Mm-hmm. Hein, donc, tu donnes. Mm. Hein, oui, est-ce que ce sera donné? Oui, mais voilà, attendez, s'il vous plaît. Je réponds à Patrick. Donc, la question, c'est, est-ce que l'argent leur va vraiment? Non. Ouais. Non. C'est ça qu'il faut bien se préciser. Parce qu'il faut se dire une chose, que là, lors du Téléthon, soi-disant qu'ils ont réuni 46 000 et des brouettes, mais moi, je peux vous dire une chose. Il y a eu des faux dons, d'ailleurs. Ouais. C'est des promesses, qu'on fait. Hein. Oui, mais c'est des promesses de dons. Mais les promesses de dons que t'as donné, toi. C'est vrai que t'as donné des promesses, qu'en fait, c'était pas toi. Ouais, mais ça. Il a promis de donner 2 tickets resto, ça je m'en souviens. Bon, alors, qui c'est qui vient de. Attends, 5 minutes, Patrick, qui c'est qui vient de dire des chèques restaurants? Qui c'est qui vient de dire ça? C'est Rigaud de Miché. Qui a dit ça? C'est pas bien, vas-y, parle, l'auditeur, là. Ouais, Rigaud de Miché, au revoir. Ah, non, c'est pas moi, je te défends. Non, mais c'est bon, allez hop, Manus Koula, c'est terminé pour lui. Hop, au revoir. Boula Zéro. Oui? Donc, pour toi? Oui, mais attends, je comprends pas la question, là. S'il te plaît. Quoi? On s'amuse pas avec l'émission, là. Hein? On n'est pas dans des dessins animés. On est sur une antenne. Non, mais là, je te jure, franchement, là, j'ai pas compris la question, là. Bon, quel genre de don peut-on faire? J'ai pas très bien saisi ce que tu m'as dit, et donc c'est pour ça. Bon, Kildar, s'il te plaît, tu arrêtes pour la deuxième fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, on s'amuse pas. La troisième, ça va chier. Hein. On s'amuse pas à mettre des bandes de dessins animés, d'accord? D'accord. Donc la question. Fois, c'est bien, les dessins animés, hein. Oh, ça va, Boula Zéro, hein? Excuse-moi. Pildar, s'il te plaît, 3 fois. La 4e fois, tu prends mon portable dans la gueule. Oh, mais après, t'auras plus de portable. Ouais. Ouais. C'est con. Sinon, la 3e fois, tu viens et je mets Olivier à ta place, ok? D'accord. À la place de Rigaud Miché, on va accueillir Unifesse. Bonsoir. Oui. Bonsoir Unifesse. Unifesse. Salut, bon. Ça va Unifesse. Qu'est-ce que t'as fait de beau ce soir? J'ai écouté les débats. Ce que j'ai fait en fait, c'est que. Moi j'ai attendu un courrier de CD des jeux et j'ai jamais reçu. T'éteins ton micro. Et on a joué à la Nintendo et on a été éclaté. J'adore Nintendo, j'ai une Game Boy couleur. Pour l'instant, tu t'écrases. Vous êtes les meilleurs, c'est Nintendo Rules. Game Boy de Nintendo. Non, Sega, c'est bien, on fait une Dreamcast. Il y a quelqu'un qui a Zelda sur le. Non, mais ça va, allez-y, si je vous aime, là, l'équipe. Non, c'est allez-y, c'est bon. J'ai pas pu penser à Sony et à tout ce qu'ils ont. Bon, Gérard, un peu de sérieux maintenant. Bon, alors, donc la question, c'est quel genre de dons peut-on faire? Donc, les dons. Donc, c'est des dons qu'on peut faire parce que les gens en ont besoin. Mmh. C'est vrai que je reviens à la question sur ce que Patrick disait, parce que apparemment Boula Zéro n'a pas trop compris la question. Non, je pense pas. Quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras de sous le lit. C'est de la façon que t'as parlé que j'ai pas compris la question, quoi. Ah bah, dis donc, elle était lourde, hein. Elle était vraiment sourde, hein. Non, mais je sais, je suis lourde, hein. Ça, y a pas de problème. Hein. Ouais. Donc, pour en finir avec cette histoire-là, on va demander à UNICEF parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Donc, pour toi, UNICEF. Oui, alors bon, ce qui se passe en fait en Belgique, c'est qu'on ne se lave plus les dents, mais on va souvent chez le dentiste. Il récupère tous les bouts de nourriture qui restent coincés entre nos dents. On les envoie par camion dans les pays sous-développés. Et il paraît que vous réussissez à reconstituer des steaks hachés entiers. Oui, tout à fait. Hein. Et alors, on peut faire aussi des hamburgers, chicons, fromage. Ouais, d'accord. Okay. Ah, ça, c'est une bonne action. Hein. Ouais. Oui. Donc, à quoi sert l'argent que l'on donne? Alors, voilà. Là, la question, donc, on va. Je pense que Patrick, t'étais là sur ça, à peu près. Mm-hmm. Hein? Donc, voilà. Alors, donc, à quoi sert l'argent que l'on donne? Donc, on va demander ça à la peignasse. Bah oui. Donc, Gérard. L'argent qu'on donne sert pas à grand chose parce que souvent ça va dans la poche des vieillards comme ceux de l'arc. pour rouler en merco et compagnie après. Et donc, c'est pas cool de savoir que son joint, il part comme ça en fumée, alors que tu veux le donner pour... tu veux faire des dons pour certaines maladies. Non, mais je pense que la question, tu l'as mal compris. Donc, pour toi, c'est terminé, on va te dire au revoir. Attends, que, non. Non, non, pour l'instant, je crois que tu suis pas... Mais pour l'instant, t'as pas suivi ce que Patrick a dit, donc apparemment, t'es en dehors du débat, donc on va te dire au revoir, c'est pas la peine. Au revoir, au revoir la peignasse, hop. Au revoir. UNICEF. Oui, bien écoute, moi en général, je verse pour des associations qui rendent bien les services, comme par exemple l'association qui va augmenter mon argent de poche. Non mais attends, tu veux faire comme l'autre aussi, tu veux dégager, comme ça ça va aller vite, hein. Okay. Parce que là apparemment, tu réponds à côté de la question. Bah écoute, en Belgique, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ah non. Ah bah, je suis désolé. Ah bah si, je confirme. Bon alors, UNICEF, on verra. Écoute bien les deux autres personnes qui vont parler. Oui. Voilà. Et après, tu pourras revenir sur la question, d'accord? Oui, d'accord. Ok. Ouais. Alors, Patrick. Alors, l'argent qu'on donne, en fait, il sert à aider ceux qui en ont besoin. Mais reste à savoir si vraiment il va être redistribué comme il le faut, quoi. Ouais, mais donc, avec Boule à zéro, si tu veux réagir, donc moi je pense que à quoi sert l'argent que l'on donne. Donc on va parler sur les maladies. Donc est-ce que ça pas va forcément, aller... c'est pas seulement les maladies, hein. Bah ouais, mais est-ce que vraiment, quand tu donnes quelque chose, par exemple pour l'histoire du Kosovo, est-ce que tu crois que eux ils vont avoir de l'argent? Non, au contraire, ils vont compenser pas de l'argent, les mecs du Kosovo, ils veulent Ils veulent que la guerre s'arrête, ok, mais ça, on va pas s'éterniser là-dessus. Mmh. Ce qu'ils veulent, à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est quoi? Une signature, ok. Voilà. Donc, eux, ce qu'ils veulent aussi derrière, pour pouvoir que tout le monde réussisse à vivre, parce que d'après ce que j'ai compris, moi, aux informations... Il y a une histoire de famine, comme il s'est passé en Afrique du Sud. Bon ben, quelle culture. Hein. Et donc, faut se dire une chose, que l'argent que l'on donne sert à quoi? Donc, faut bien se dire une chose, à aider la recherche médicale. Donc, l'aide médicale, c'est la recherche médicale, c'est quoi? C'est sur le SIDA, sur la myopathie, sur le cancer, sur qu'est-ce que t'as encore d'autre comme maladie? T'en as pas mal. Bah oui. Après, flipper, c'est pas compliqué. Là, c'est encore Patrick. Si tu considères que finalement l'argent que tu donnes, il n'est pas redistribué, quoi. On ne sait pas où il va. Attends 5 minutes, Patrick. Oui. Celui qui s'amuse à dire au baron, il commence à m'énerver là. Hein. Je voulais dire qu'à la place de la feignasse, on va accueillir Greenpeace. Bonsoir. Oh là là. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Salut. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. 101.9. Voilà. Donc, t'as entendu la question? À quoi va servir l'argent? Voilà. Je pense que ça va servir à aider les pauvres gens qui souffrent. Non, mais attends, justement, on était en discussion avec Patrick. Donc, oui. Si tu veux réagir avec UNICEF, si j'ai pas compris. Tu sais qui s'amuse à jouer comme ça, là? Manu, s'il te plaît. Tu gères? Incroyable. Qui c'est qui s'amuse à essayer de vouloir jouir là encore? Je vais vous dire une chose. Tu me mets ça sur des athées, on va s'amuser dimanche. Ouais, c'est pigé, t'inquiète pas, GG. C'est incroyable. Donc on va... parce que UNICEF, apparemment, t'es toujours là. UNICEF? Allô? UNICEF? UNICEF? Ah oui, mais elle est là, hein. Il est là, je veux dire. Oui, en fait, moi je me rappelle effectivement d'une histoire qu'il y avait eu on avait envoyé du lait en poudre, je crois que c'était en Afrique, et ça avait été remplacé par de la cocaïne, et je crois que tout le monde était complètement stone, c'était des... Non, mais attends Patrick, UNICEF, pardon, j'allais dire Patrick, j'allais te couper Patrick, excuse-moi, mais UNICEF, pour l'instant, je crois que t'as pas encore compris. Donc, on va continuer avec Greenpeace, Patrick... Je peux te demander si tu peux aller me chercher un McDonald's... Va te faire pote. Et des Hollywood chewing-gum. Mon pied dans le cul, tu veux pas que j'aille te le chercher? Pas de marque. Donc, Greenpeace. Oui, Gérard. Toujours là? Oui, toujours. Donc Patrick est boule à zéro. Donc on va continuer sur ça, mais on va pas s'éterniser longtemps. Pose la question, on va mettre un petit disque. Et donc à quoi? Non, mais non. Justement, la question, on va continuer d'y répondre et on va poser la troisième après. Oui. Hein? Donc on finit sur cette histoire-là. Donc j'en étais. Donc à quoi sert l'argent que l'on donne? Donc j'avais dit sur le sida, le cancer, la myopathie, tout ça. Mais maintenant, faut se dire une chose, que l'argent aussi sert maintenant, savoir si ça leur va vraiment, sert pour les médicaments. Parce que, par exemple, la Croix-Rouge ou même, comment qu'on appelle ça, Médecins sans frontières, eux ont besoin d'argent pour essayer qu'on leur donne de l'argent. Ils essayent la Croix-Rouge, par un moment donné, sont sur les bords de route pour faire dire bon ben, pour la Croix-Rouge. 5 minutes derrière, merci. Donc la Croix-Rouge, elle, avec leur boîte en ferraille, font ça. Oui. Donc l'argent qu'ils récupèrent, donc à mon avis, c'est pour essayer de récolter des médicaments pour aider justement les médecins du monde. Mais savoir derrière si ça leur va maintenant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Greenpeace, Patrick et Boule à Zéro? Et après, on va mettre un disque. Hein. Alors, donc, Greenpeace, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire à l'instant? Ah, moi, je suis à 100% d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai, c'est bien ce que tu as dit. À 100%. Gérard. Quoi? Moi, il y a un truc qui m'échappe, c'est comment ils font pour acheter des médicaments en plein désert? J'ai jamais vu de pharmacie dans le désert, moi. Non, mais attends, les médicaments sont achetés en France, après ils sont partis, prennent des avions spéciaux. Alors, ça y est, t'as pigé? Ouais, c'est pigé ou pas? J'ai jamais vu le médicament calé à l'aéroport. Allez, hop, au revoir toi, allez, hop, on te dit bonne nuit, c'est même plus la peine, hop. Rigo, il y avait peut-être une question IRC avant de demander à Patrick et à Boule à Zéro ce qu'ils en pensaient. Oui, il y a Médecins sans frontières, il dit que quand on envoie des médicaments dans les pays où il n'y a pas de bouffe et que dessus il y a marqué avant chaque repas, ça craint un max. Merci Fildar y avoir coupé son micro parce que j'ai pas trop compris. T'as pas compris? J'ai pas coupé. Il n'y a pas de suite. C'est ça la question. Il dit que ça craint en fait de donner des médicaments à des gens qui n'ont pas à bouffer où il y a marqué avant chaque repas. Ouais, mais ça c'est sûr. Si par exemple on voit ce qui se passe à l'heure actuelle au Kosovo, et donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Sinon je peux durer jusqu'à 3h du matin. Ah ouais, y a tellement de trucs à dire sur le Kosovo, c'est clair. On fait le pari. Moi je peux te dire une chose que avec Patrick, Greenpeace, et Boule à Zéro, si tu me récupères une autre nana qui est capable de répondre aux questions correctement, fais-moi confiance que là, le débat, il va aller jusqu'à 3h. On va faire les 10 questions tranquilles. Hein. Alors, moi, je vais te dire une chose, que pour la question que tu m'as posée, avant chaque repas, ça dépend ce que la personne a à manger. Si elle n'a rien à manger, de toute manière, son médicament va lui servir à quoi? À rien, en fin de compte. Hein. Donc, Patrick, pour réagir vite fait, parce qu'on va mettre un petit disque là. Bah écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, je doute, tu vois, qu'il y ait des moyens de contrôle. Comment ça? Alors maintenant, bon, imagine, tu as 100 kilos de médicaments qui vont partir pour le Kosovo. Ouais. Qui me dit qu'en fait, ces médicaments ne vont pas être redistribués après sous d'autres formes, tu vois? Non. Non, parce que attends, là justement, avant que attends, je te reprends tout de suite après, je demande à Boule à Zéro avant. Boule à Zéro. Capitaine Cover. Oh. Merci, c'est sympa, hein. C'est fini, Pildar, là, c'est ou quoi? C'est pas moi, mais j'ai rien fait. Je sens que tu vas te retrouver au standard, toi, dans peu de temps. Hein. J'ai rien fait. Donc, ouais. Boule à Zéro, pourquoi? Mais regarde. Pas lui, Gérard. Ah, on va pas y arriver là. Bon, t'es là, Capitaine Caverne? Boule à Zéro? Ouais, je suis là, y a pas de problème. Hein. Bah, vas-y. Donc, alors, pour toi? Alors moi, ce que je voulais te dire, c'est que c'est vrai que, bon, pour ce qui est de l'argent, c'est vrai que l'argent peut être distribué pour n'importe quelle cause. Maintenant, essayer de savoir si les médicaments sont pas périmés ou si, dès qu'ils arrivent, tu vois, dans les pays qu'il faut pour les pays sous-développés et tout ça, ah ouais, mais sont pas périmés, quoi. C'est dégueulasse ce que tu dis. Tu veux en venir là. C'est pas dégueulasse. Mais si, t'es en train de dire que Mais non, mais c'est la logique, si tu veux. Non, c'est pas logique, c'est toi qui n'es pas logique. Mais si, c'est logique. Mais j'en ai rien à faire ça. À qui tu parles? Gérard, reviens. Gérard. Alors là, il est en train de courir sur Apo. Allez la chercher, allez l'aider, elle va pas rester toute seule. Vas-y, rigole. Olivier. Gérard. Non, mais il est parti là. Il est parti, il a fracassé contre un mur, mais c'est pas grave. En fait, il y avait Apolline qui était dans le studio d'en face, on vous explique, et donc en fait, il a cru qu'elle avait fait une connerie, et donc il est parti courir après. Je sais pas pourquoi faire. Olivier, des nouvelles? Oh là là, bah, Apolline. Ouais, bah, va te calmer parce que sinon, ça va se passer. Il est en train de lui dire, tu vas te calmer. Ouais, mais dis-lui qu'il peut lui dire là. Bah oui, parce que c'est plus intéressant quand c'est à l'antenne, quoi. Gérard, dépêche-toi. Apolline, t'es tout de suite, hein. Attends, on la se croit où celle-là? Ouais, c'est vrai. Oh là là. Ferme, Rigo, ferme. Ferme, ouais, parce que. Alors Gérard, qu'est-ce qui s'est passé encore mon grand? Il y a un problème avec Apolline? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, recommence que... Dégage de studio! Non, vous dégagez. Tu la dégages d'ici. Ah, sois pas une salope dans les studios, ouais, moi. C'est vrai, allez hop. Le débat se passait bien. C'est vrai, il y a... Putain. Ça se passait bien, putain. Attends, l'autre recommence comme je dis, alors je suis désolé, hein. Je te kiffe, Gérard! Mais va lui dire, Olive! Ouais, Olivier, merde! Je suis bonne, moi! Oh là là, allez! Bon, allez! On va mettre un disque et. On reprend la deuxième question après. Donc, je reprendrai avec. Mets ton dedans dans ma chatte! Mais fais pas gaffe, Gérard, faut pas faire. Vas-y, le titre du disque, on va revenir après. Donc, on reviendra sur la deuxième question, malheureusement, parce que. Non, on va passer à la troisième, parce que là, il est déjà 2h30, mon cher. Donc, combien coûte un don humanitaire en euros? Ouais. Non, même pas, on va pas la faire, celle-là. Ah, non, c'est bien. On va faire. Tiens, Rigo. T'essayes de m'en trouver une, on va s'écouter. Bernard. Couche tard avec j'ai des réfugiés dans les poils de mes couilles. On se retrouve tout de suite après au 0803 085000, toujours Manu au standard. Bon, c'est pas grave. Non, mais il y a... Là. En fin de compte, c'était pas le disque que j'avais annoncé, donc c'était pas Bernard. Couche tard avec J'ai réfugié des poils dans mes couilles. Donc c'était Claude François Magnola Forever. Donc excusez-nous du petit incident. C'est plus l'art qui fait des petites conneries, mais c'est pas grave. Non, c'est pas moi, c'est Manu. Ouais, mais c'est pareil, c'est toi qui as derrière. Et l'autre poupia, ça va se calmer là. Ah ouais, sérieux. Hein? Pour reprendre la suite, on va continuer sur la deuxième question. Non, on a dit la troisième, on a dit qu'on passait à la troisième direction. Non. Et on va accueillir un nouvel auditeur. Ah, et on accueille Bert et Vert. Voilà. Bonsoir à toi. Oui, merci. Oh non, Manu. Oh, Manu. Oh là là là là, c'est quoi ce travail de... Bon Gérard, je sais pas. Bon bah c'est pas grave. Avant que tu reprennes les auditeurs et que Manu réussisse à refaire marcher le standard, parce que là apparemment il y a quelques problèmes. Bah ouais. Il y a Florence sur l'IRC qui demande si c'est vrai que Médecins Sans Frontières t'a embauché comme cobaye et quand ils ont vu ta tête ils se sont dit à lui plus rien ne peut lui arriver depuis. Non, pas du tout, parce que justement j'ai jamais demandé à être bénévole pour Médecins Sans Frontières ou Médecins du Monde ou autant. Et sinon il y a Rambo, il y a le vrai Rambo, il dit qu'il faut que tu te calmes avec Apolline, sinon c'est lui qui va te calmer. Eh ben, il habite où, lui ? Il habite à Paris. Eh ben, il vient, puis il s'expliquera avec Max. Il a qu'à demander à Max pourquoi qu'elle s'amuse à faire des... Non, mais c'est toi qui veux calmer. Ouais, non, mais de toute manière, moi, je dis à Rambo, dans ce cas-là, si tu viens, tu demanderas... Fais gaffe, c'est Rambo. Tu viendras à la gare et tu lui demanderas pourquoi qu'elle s'amuse à faire ça. D'accord, Rambo ? Donc, pour ça, Berber est là ou pas ? On a un petit problème, je crois. On entend ça. Allô ? Ah bah voilà, Manu ! Ah bah voilà, le verre est vert ! Oui, allô ? C'est boule à zéro qui est coupé. Oh merde. Ah, c'est la valise satellite qui déconne. Je te jure. Oui, allô, bonsoir. Oh là là. Allô ? Béret vert ! Vas-y, Béret vert ! Oui, colonel Béret vert ! Garde oui. À vous ! Oui, bonsoir, garde à vous ! Ouais, y a pas de garde à vous, t'appelles d'où ? Repos, bidas, Gérard. Oh ! Paris, 101.9, sur la fréquence. Ok, bon. Mm-hmm. Patrick, toujours là ? Ouais. Super. Boule à zéro ? Non. Pas là. Ah bah, tu la rappelles ? Pas là, boule à zéro. Bah, j'essaye. Ouais, c'est intéressant, toi. Mon beau boule à zéro, tu rappelles. Boule à zéro ! Donc, en attendant, j'avais quelqu'un de secours. On accueille grand-mère Teresa. Ah, c'est bien. Bien, c'est bien, Manu. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. GG, surtout le grand maître des débats. Bonsoir. Bon, ça commence à bien faire là. Si t'as des chats, tu les ranges. C'est pas moi. Ouais. On enchaîne. Ouais, bah tu fermes ta gueule, toi. Colonel, s'il vous plaît. Ouais, bah ferme ta gueule. Parlez pas comme ça, Spiron. Oh, ouais, hop, celui-là, tu me le dégages. Sinon, vous allez faire 15 jours de neuf. Allez, Manu, tu me dégages, Berber, là, je veux plus... Berber, il dégage déjà ? Ouais. Allez, hop, au revoir. Oh là là. Bouffer une identité personnelle. Allez, au revoir. Allez, du canigou. Va bouffer du ronron. Ragout, toutou. Donc, grand-mère Teresa qu'on avait. La fréquence ? Je suis de Paris. 101.9. Exactement. Non, bah on a rien que des paris hein, ce soir, ouais, c'est pas mal. Donc, t'as compris à peu près la deuxième question ? Bah non, moi je viens d'arriver, j'étais au standard, donc j'ai rien entendu. C'est vrai, je l'ai rappelé en speed parce que j'avais plus de 3 personnes. Ok. Bah, de toute manière, tu peux essayer de ravoir boule à zéro parce qu'elle voulait réagir dessus, donc si on pouvait la ravoir. Donc, avec Patrick et Boule à zéro, et ben, dommage que Greenpeace n'est plus là. Bon, on y va, Gérard. Donc, grand-mère Teresa. Si, je l'ai rappelé, Greenpeace. Ah, bah, c'est bon. Bah, allez. Elle est où ? Greenpeace, mais pas Boule à zéro. Non, on s'en fout de Boule à zéro. Je te demandais de... Je suis en train. Ah bon ? Mais Greenpeace, elle est toujours là ? Oui. Bah, pourquoi tu me l'as rayé ? Ah, pardon. Alors. Greenpeace, t'es toujours là ? Bonjour. Cette annonce s'adresse à toi. Ma voisine, ça fait un an que je vis à côté de toi, je t'entends rire, danser, chanter, pleurer, prendre ta douche aussi. Et depuis un an, j'ai envie de te connaître. Je sens une grande solitude en toi, j'ai envie de t'aimer. C'est moi qui t'ai envoyé toutes ces lettres. Tu n'as jamais répondu. Ah oui, et puis c'est moi qui gratte à ta porte toutes les nuits. À bientôt, mon amour. Eh ben encore une. Bravo, encore un trave. Ah bah voilà. Ça, tu me la mets sur DAP, donc Greenpeace, toujours là. Oui, je suis toujours là, Gérard. Donc Patrick. À ton écoute. Toujours là. Et grand-mère Teresa. Dans la place. Toujours là. Boule à zéro, non ? Pas moyen ? Pas encore, non. Bon, donc, à quoi sert l'argent que l'on donne ? Donc, c'est pour grand-mère Teresa qu'on reprend la question. Après, on va abréger vite fait, on va pas s'éterniser tout le temps sur celle-là. Donc, pour toi, grand-mère... Oui ? Bon, celui qui s'amuse à mettre de la musique derrière, arrête, parce que là, ça commence à te gonfler. Oui, c'est lourd, hein. Donc, avec Patrick Boulazéro et Greenpeace, on avait discuté sur les aides qu'il y avait à l'heure actuelle. Mmh. Hein, grand-mère Teresa. Oui. T'es au courant? Mais t'as mis là, ta salope, là! C'est pas possible. Bah, il pète les plombs. Bon, donc, grand-mère Teresa, donc, on est en train de discuter, donc, on se demandait exactement à quoi sert l'argent que l'on donne. Donc, on avait parlé des médicaments, tout ça. Oui. Et puis des associations. Oui. Hein, grand-mère Teresa. Salut, ça va? Pour les avant-bras. Bon. Et toi, la matelot. Olivier. Olivier. Une poume pour la France. Ça, c'est ma belle-mère quand elle se réveille. Et puis, je vous peux dire que le matin, ça pue. Bon, Olivier, s'il te plaît. Tu m'écoupes, là, tu me les gères. Ah. Non, tu me prends l'aria parce que lui, là, il commence à faire des conneries. Quoi, mais j'ai rien fait. Non, non, mais attends. C'est Manu au standard, il n'y a que de la merde. Il n'y a que de la merde. Il n'y a que des gens bien. Et on va accueillir d'ailleurs à ce propos. Calme-toi. À ce propos, on accueille s'il vous plaît Sylvie Bromasseur. Oui, hein? Bonsoir, c'est Sylvie Bromasseur. Sylvie Bromasseur. Ok, non, moi je prends pas des mecs pour faire des débats comme ça. L'autre, il va rien comprendre. L'autre, va falloir que j'y répète la question. Non, donc moi je répète, non, c'est bon. Pas du tout, je connais la question. Alors vas-y, alors réponds dessus. Moi je sais qu'une partie des dons qui est donnée sert à organiser donc ce qui se passe là-bas. Donc il faut quand même prendre en compte qu'il faut payer les militaires. Sachant qu'un adjudant, c'est quand même payé 25 000 francs par mois. Allez, hop. Au revoir, allez, hop, terminé. Allez, bonne nuit. Il n'y a pas d'attendez, au revoir, hop. Allez, hop, au revoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Au revoir. Hop. Ah non, mais attends, on avait commencé une bonne discussion, on va pas... Mais non, Oui, en tournant. Bon, alors, pour grand-mère Teresa, donc, on va expliquer grosso modo à quoi sert l'argent que l'on donne. Donc, on avait dit avec Greenpeace, Patrick et Boudazero, malheureusement, qu'on n'a pas. Donc, on précisait que l'argent, c'était pour que ça aille... là où ils ont plus besoin. Ça fait 15 fois qu'on dit ça. Oui, non, mais justement, on avance un peu ou pas, là, On régresse. C'est bien relou, là. En parlant de ça, on accueille Boulazéro. Boulazéro, rebonsoir. Allô. Putain. Mais Gérard. Oh, Gérard. Tu vas le prendre dans ta gueule, là, maintenant. Mais c'est pas moi. Si, c'est toi. Bah, attends. Arrête un peu de dire n'importe quoi. Bon, alors, donc, on s'éternise pas sur la deuxième. Bah ouais, il est 3h20, dans 20 minutes, on arrête, on est qu'à la deuxième. Et alors, si je veux m'acharner sur une question, j'ai le droit. C'est pas toi qui commande le jeudi, c'est moi, là, aujourd'hui. Bah oui, mais même. Hein? Gérard? Oui. Sur RC, il y a un mec qui s'appelle Patrenet, il est en colère parce qu'en fait, il a fait don à un médecin sans frontières. En fait, le mec, il s'est acheté un ordinateur avec plein de CD d'images de cul. Ça, il fait ce qu'il veut. S'il s'amuse là-dessus, il fait ce qu'il veut. Non, mais t'as pas compris, en fait. C'est faux. Non plus. Oh là, putain, Pilda, ça commence à bien faire, hein. Je suis bonne, moi. Apolline. Oh là là. J'ai la peau, ça. Mais elle est pas là. Bah, je sens que dimanche, je vais faire mon rapport. Je sens que, fil d'art, tu as morflé, toi, dimanche. Hein. C'est vraiment... Donc... Sinon, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande si on peut faire don de ses excroissances corporelles. Ah, non. Non? Non. Faut être dans le coup. Je pense pas, de toute manière, je vois pas sa question, elle a ni queue ni tête, comme elle. Oh, ta gueule, toi. Comme mes débats n'ont ni queue ni tête comme moi, sa question, elle a ni queue ni tête. Ils ont des excroissances corporelles. Ouais, elle a ni queue ni tête. Donc, les bénévoles... J'ai pas répondu, hein. À laquelle? La question, à quoi sert l'argent, là? Bon, alors vite, on s'éternise pas dessus. Moi, ce que je peux te dire, c'est que l'argent sert pour les enfants, tu vois, pour les habiller pour l'hiver, avec des petits chapeaux, des bonnets, des cache-colles et tout ça. Ah, mais moi, t'as dans le cul. Gérard, moi, je voulais juste répondre à Boulazéro, je voulais lui dire que ça dépendait des pays, parce que s'il y a une aide humanitaire au Sahara ou en Afrique, tu vois, des trucs comme ça, ils vont pas leur envoyer des bonnets. Attends 5 minutes, Boula Zéro. On va pas coucher sur cette question-là parce qu'on l'a déjà bien approfondi. Je pense que ce que tu voulais dire, toi, Manil, c'est de savoir ce qu'ils vont recevoir. Oui, voilà, mais je voulais surtout dire que ça dépendait des pays, en fait. Ouais, ce qu'ils allaient recevoir, ça dépendait des pays et de ce qui s'était passé avant. Voilà. Ça dépendra de ce que la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières ou Médecins du Monde auront récupéré, qui auront pu envoyer là-bas pour les aider. Même en habit, que ça soit en habit, en nourriture ou autre, ça va dépendre de ce que les magasins auront fait comme collecte, ce qu'ils sont en train de faire pour le Kosovo. Donc on va abréger parce que je vais pas m'éterniser. Gérard, ça fait 20 fois que tu le dis ça. Ça va dépendre de ce qu'ils vont avoir. Il reste 15 minutes. Et donc, Gérard, au niveau du Kosovo, ça se passe comment en ce moment? À l'heure actuelle, ça se passe très mal parce que pour l'instant, ils ont du mal. S'il vous plaît, merci. Ils ont du mal. Je réponds à la question à Pildar. Comment ce qui se passe au Kosovo? Non, mais je voulais pas que tu répondes. Non, mais moi, justement, je vais te répondre parce que tu veux que. Oh ta gueule toi pétasse. Oh putain, celle-là va se prendre des baffes dans sa gueule, hein, là. ça va y faire tout drôle. Hein. Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi en fait. Oh ta gueule. Donc pour répondre à ta question, donc à l'heure actuelle ça se passe très mal parce qu'ils ils ont du mal à ce que les avions ils ont du mal déjà pour avoir l'aide humanitaire que la France prévoit. Ouais. Donc à l'heure actuelle pour l'instant il y a un avion qui est parti de Bordeaux. On ne sait pas s'il va atterrir. Si, mais maintenant ils parlent de faire du Jitrin. Non, ils parlent de donner la nourriture par des parachutes. T'en sais pas plus? Oh, bah c'était le Olivier, ce salaud. Non, mais hé, Gérard. T'as ta gueule, t'as le rapport. Ouais, j'écoute. Gérard. Ouais. Écoute, moi, ce que je voulais te dire, c'est est-ce que tu crois que quand ils envoient la nourriture, est-ce que c'est pas en fonction de ce qu'ils peuvent aimer ou de ce qu'ils peuvent pas aimer? Ouais, bien sûr, ils ont un mais avis. Non, mais si, par exemple, il y a une personne qui aime pas le riz ou qui aime pas. Ils bouffent quand même du riz! Mais attends, si la personne n'aime pas le riz, c'est pas de notre faute. Donc nous, on essaye de faire quelque chose pour la Croix-Rouge les aide pour avoir de la nourriture. Médecins sans frontières sont là-bas. Médecins du Monde sont là-haut. Donc ils sont là. Et qu'ils en fait des enfoirés? Comment? Non mais attends. Là, faut quand même pas tout confondre, hein. Ouais. Parce que là, pour l'instant, comment ça se passe au Kosovo, là, Gérard? Pour répondre à la question à grand-mère Teresa, toi avec ton histoire de Kosovo, tu commences à me casser les couilles. Ils n'arrêtent pas de m'en parler. Ils n'arrêtent pas de m'en parler du Kosovo sur l'IRC. Justement, Yashkoumoun, il dit qu'il a envoyé 300 grammes d'épinards périmés là-bas et on lui a renvoyé et il trouve que c'est dégueulasse, quoi. Non, mais attends, déjà, des trucs périmés, c'est lui qui l'a envoyé par ses propres moyens. Ouais. Ouais, bon, dans ces cas-là, c'est même pas la peine. Sinon, comment ça se passe? Ça passe par les aides humanitaires. À l'heure actuelle, il y a la Croix-Rouge qui s'en occupe. Il y a la Poste qui fait quelque chose, qui envoie les colis. Il y a Médecins du Monde. Il y a Médecins du Monde qui est là-bas sur place. Grand-mère Teresa, tu fermes ta gueule quand je parle, s'il te plaît, merci. Ça me prend des vacances. Tiens. Comment ça se passe au Kosovo? Bon, je réponds plus. Alors, les bénévoles peuvent-ils faire des dons au Kosovo? À Greenpeace. Les bénévoles peuvent-ils? Bien sûr. Ça dépend combien ils sont payés. Quand t'es bénévole, en principe, t'es pas payé. Tu crois qu'ils sont payés au Kosovo, toi? Comment? Ça gagne bien un réfugié, hein. Tu m'étonnes. Oh, Manu. Je voulais dire que on allait accueillir l'OTAN n'en emporte le vent. Tu prends dans ta gueule, hein, s'il si y a un problème. Ah, je m'en fous. Ouais, bonsoir. Salut, Lotan. Bonsoir, c'est Lotan, on emporte le vent. Tout ça dans le, au Kosovo, ou pas? Ouais, ça va, ça bombarde, mais okay. Mec. Lotan, on emporte le vent. Voilà. Ouais, t'appelles d'où? Ouais, tu fermes ta gueule, t'appelles d'où? Vous fermez vos gueules, là, il appelle d'où? J'appelle de Toulouse, 102.7. Ouais, ça a contrôlé ta fréquence. Contrôle. Regarde, check, contrôle. 102.7. 102.7, tu vois. Greenpeace. Oui, Gérard. Debout. Ah, ça y est, fil d'armure, tu me fais. Putain, la semaine prochaine, je le refais. Rien que pour vous casser les couilles. Non, mais c'est un spécial. Rien que pour vous casser les couilles. Un spécial Kosovo, putain. Rien que pour vous casser les couilles, ouais. La semaine prochaine, je laisse les dons humanitaires. Tu pourrais faire la violence dans les transports aussi, c'est pas ouais. Non, mais justement, la semaine prochaine, je le garde. Ou les accidents de la route. Je le garde. Je changerai certaines questions, mais je le garde. Le verglas. Ta gueule, toi. Alors, grand-mère Teresa, salut. Mais c'est pas grand-mère Teresa. Hop, ta gueule, va te prendre. Tu dégage, hein, de gros mots. Hop, dégage. Bon, allez. Oh là là, putain. Olivier, tu peux pas les gérer. Tu peux pas les gérer, Olivier, au standard un peu. Tiens, Olivier va faire un peu de standard avec Manu. Ouais. Gérard, prenez pas des gens du Kosovo. En attendant, il y a Snooze sur l'IRC, c'est son chien en fait. Il aimerait savoir s'il peut faire bénévole en aidant les aveugles au Kosovo. C'est un chien d'aveugle. Pas de balance. Ok, d'accord, si tu veux, y'a pas de problème. Non, mais ça va là? Bonsoir. Non, mais vous êtes tranquille, j'ai même pas compris la question là. C'est sur quoi le débat? Non, mais ça va là? Kosovo. Différence d'âge? Oh là, vous commencez à me casser les couilles. Bon, hein. Gérard, t'accouches? Man, y a un peu, c'est chiant là. Hein. Ouais, ben. Éteignez votre micro, on va demander aux autres. Bon, la question. La question, je l'ai déjà posée. Patrick. Patrick! Oui. Donc pour toi? Eh ben, à vrai dire, je sais pas trop quoi. Ah, tu les as endormis avec tes histoires de Kosovo? Ouais, c'est clair. Bon, on avait deux heures là, le Kosovo. On sait même pas ce qui se passe. Bon, l'autre de grand-mère Teresa, je t'ai dit de la virer! Mais genre, c'était pas moi, c'était autant. Tu la vires! Ça y est. Ouais, bah autant on emporte le vent, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Ah, pardon. Ça, c'était quand même un putain de beau film. Patrick. Est-ce que tu crois qu'il y a plus de pays qui donnent plus que d'autres, quoi? Qui est-ce que tu crois que la France, elle va donner plus? Qui donc? Qui pose la question, là? Patrick. Oui. Ah ben justement, existe-t-il des dons humanitaires dans les autres pays? Ça va être la question qui va venir juste après, si on a le temps. Ok, donc tu veux savoir si les bénévoles peuvent faire des dons. Ouais. À partir du moment où ils aident, ben c'est déjà un don, donc ils donnent, ouais. En fin de compte, est-ce qu'ils peuvent faire un don? Donc, comme ils sont bénévoles, ils aident déjà. Mais écrase, autant on porte le vent pour l'instant, s'il te plaît. J'essaye de t'aider. Mais pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse. Le débat. C'est un débat. Oh là là, putain, mais quand on se pose des questions... C'est l'actualité, c'est un débat. Tu mets ton doigt dans mon cul. Oh là là, oh, putain, celle-là va morfler, hein. Ouais, c'est clair. Et après, tu m'engueules, alors, c'est bon, hein. Ah. Tu vois? Oh là là. Ouais, ça va. Les filles qui foutent le bordel. Je suis bonne, moi. Mais Gérard, faut vraiment dimanche, faut vraiment qu'ils mettent les points. Ah ouais, franchement, là, dans le micro, la pro, là. Les points sur l'été, quoi. Oh non, dans ma chatte. Ouais, ben, j'en connais une dimanche à... Je crois qu'elle va morfler dimanche. Ça va hyper tout drôle. Hé, ta gueule, la salope. Elle aura bien foutu bordel dans son débat. Là, c'est nul. Bon, allez hop, on fait conclusion. Et je voulais dire que pour cette conclusion, on accueillait l'armée du bonjour. Non, on n'accueille plus personne, on fait conclusion. On fait conclusion. Allez-y. On fait la conclusion et c'est tout. Ça sera terminé. Moi, j'arrête maintenant. Ah là, c'est dommage quand même. Moi, ça se voit. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui commande. Max, c'est pas là pour l'instant, donc c'est le bordel. Donc, moi, j'arrête, je coupe maintenant et c'était tout. Max sera au courant et c'est tout. C'est trop les débats, le bordel. Bah ouais, c'est pas trop le bordel. Toi, au premier débat avec Apolline, vous avez rien foutu. L'autre, tu s'amuses à prendre des gens, à faire gagner des disques 300 000 balles, alors que c'est faux. En plus, ça s'amuse. Eh oh, vous fermez vos gueules là, s'il vous plaît. Hein? L'autre, elle s'amuse à se décroter les ongles. Vas-y, je lui demande de prendre des journaux au standard. Il y avait les 24 pins qui sonnaient, elle prend personne. Pour l'instant, il y en a qu'un qui a bien bossé. C'est Rigaud. Au premier débat, moyen. Et t'as vu, du coup, il n'y a plus personne qui appelle. Ouais, ben, bien merci. Sûr. Pourquoi? Merci. Pourquoi? Ouais, ben, pourquoi? Parce qu'ils sont, ils n'arrêtent pas de faire les cons. J'en ai ras-le-bol. C'est tout. Gérard, parce qu'il y avait Abricotine, elle aurait bien aimé envoyer son chien au Kosovo, elle aurait voulu te demander conseil, quoi. Bah non, on peut pas envoyer des animaux là-bas. Et on est combien sur l'IRC? Tu peux bien y aller toi, donc on peut bien envoyer... Bah pourquoi que tu vas pas, toi? Ouais. Pourquoi que tu vas pas? Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Cassé, là. On est combien? On est combien, Rigaud, avant la ben 5, Apolline est partie, Olivier est venu. Non, mais là, sur l'IRC. Ça fait deux fois la même vanne dans la soirée. Oh, mais vos gueules un peu, là, tous les deux. Oh, vos gueules. Non, on a dit. Hop, voilà. Vous avez vu ce que vous avez réussi à faire. Voilà, GG, il fait. Il y a la conclusion à faire. Mais attends, tu fermes ta gueule, toi, d'accord? Tu allumes ton micro déjà? Quand tu parles, s'il te plaît. C'est pas toi qui me commandes, d'accord? Tu fermes ta gueule parce que tu m'as foutu la merde au premier débat. Dimanche, t'es grillé. Olivier... Allume ton micro, Olivier. Rigo, on est combien sur l'IRC? Bah ça a baissé, on est... Bon, alors conclusion du débat, on va demander à Greenpeace... Oui, c'est rare. Pour conclure, je voulais dire que j'avais beaucoup aimé la chanson que tu avais chantée avant. Ouais. Et que, je crois que je suis amoureuse de toi et je voudrais que tu me fasses un rapport dimanche. Je suis déjà pris, donc... Ouais, t'es cocu, donc il n'y a pas de problème, quoi. C'est ça. Alors, Greenpeace, tu vois, ton truc pour dimanche, ton rapport, tu vas te faire enculer, espèce de salope. Ouais, t'as raison, Apolline, va te faire enculer. Arrêtez. Ouais, c'est ça. T'as raison, tu crois que je t'ai pas reconnu. Allez, hop. C'est Apolline. C'était Apolline. Elle était dans le bureau. Tiens. À la cochonne. Celle-là. Non, je te jure. Si, c'était... Hop, Patrick. Bah, moi je trouve que le débat était très intéressant on a été un peu tourné en rond quoi. Ouais mais on a tourné en rond, faut se dire pourquoi. De toute manière je le garde pour la semaine prochaine celui-là. Comme il y aura Max, ça se passera mieux. Attends déjà une fois c'est chaud deux. Autant on apporte le vent. Ouais. Bah écoute, moi j'ai trouvé le débat bien, j'ai été super étonné que tu parles pas du magnifique boulot que font les routiers pour acheminer tous les produits alimentaires, parce que franchement, je sais que toi tu kiffes les routiers, donc on salue Titi, Fafa, tout ça, machin. Et puis sinon, l'humanitaire, bien, moi je pense qu'une cause humanitaire, ça serait de se cotiser pour se refaire la gueule et les dents. Donc s'il y a des gens qui veulent se joindre à moi pour une petite intervention, il n'y a pas de problème. Sinon, écoute, je sais pas, si tu veux faire un don, tu peux faire don de tes caleçons usés, ça leur fera de l'insecticide, et puis, je sais pas... Non, je tenais à prévenir tous les réfugiés, okay. Si vous recevez des stocks assez de Gérard, les mangez pas, ils les appellent dans son cul. Alors, pour l'instant, moi, je vais te dire une chose, avant que... ça y est, toi, hop, terminé, au revoir. Fildar, je vais te dire une chose, que dimanche, t'intéresse. De faire gaffe parce que dimanche t'es grillé et moi, comme Apolline. Et moi je veux juste rajouter quelque chose, c'est que je le dirai à Max avec Gérard, je serai là pour témoigner parce que Gérard me l'a demandé dans le couloir. Là ce soir, vous avez vous foutu votre merde, mais quelque chose de mignon. Alors toi et Apolline au premier débat, maintenant Manu au deuxième. Alors maintenant, moi je vais vous dire une chose que dimanche on va rigoler. Dimanche on va rigoler. Vous allez voir comment que je vais faire. Et là, je vais pas vous louper. Et là, moi, je vais te dire une chose. Que le prochain débat de la semaine prochaine, on mettra les dons humanitaires. Et là, Max sera là. Oh non. Ah si. Ah non, mais moi, je trouve ça d'autant plus dommage que les taxes, c'est plutôt... C'était une balance, c'est Olivier, des gars. Les dons humanitaires, ça pourrait être super intéressant. On aurait pu apprendre beaucoup de choses. Ouais, bouge. Toi, tu fermes ta gueule pour un son. T'as arraché les poils de sexe. Quand vous serez capable de me donner des disques valables, on verra. Boule à zéro pour finir. Mais non, c'est pas ça. Boule à zéro. Non plus. Bon, Allez hop, terminé, salut à tous. Vous allez retrouver ça pour la nuit. Il est pas là, Gérard. Il est pas encore là. Tu peux dire, ta gueule, ta mère, ton merde. Gérard. Eh ben, va les faire enculer, là, ces bandes de connards. Non, mais je voulais dire, Gérard, que c'était un très bon débat. Et dimanche, je ferai une simulation en direct. Gérard, il y a Boula Z. Gérard, reviens. Cours pas après Apolline comme ça, ça sert à rien. Il y a Boula Z. Grosse boule à facettes, là. Il y a une grosse boule qui brille. Une grosse bouboule. Mais non, non, arrête, Gérard, oh. Non, Gérard, arrête de frapper Philippe. Bah arrête, Gérard, t'es arrête. Mon pote, Gérard, arrête de conneries, toi, d'accord. Je croyais que t'étais mon pote. Je ferme ta gueule, d'accord. Ce matin, ça commence à bien faire. Ah, t'es mon pote de fun. Tu fermes ta gueule. C'est pire en pire. Ok. T'es mon pote. Tu fermes ta gueule. D'accord. Tu fermes ta gueule. Comme mon pote. Bon, allez, sérieux. D'accord. Boula zéro. Boula facette. Allô? Si m'écoute pas, ça sert à rien. Bah ouais, c'est vrai. Je t'écoute. Oui, donc je voulais dire que c'était un très bon débat et dimanche je te ferai une stimulation en direct, comme ça je ferai une bonne action. Ouais, ben ça servira à rien parce que dimanche j'ai des comptes à régler. Donc ah, ça servira non, à non, non, non, non, non, de toute manière j'ai des comptes à régler. Je vais les régler dimanche ouais, avec Max. Moi aussi j'ai des comptes à régler aussi. Non. Moi je vais vous dire une chose que là on va rigoler dimanche. Ok, alors maintenant, ben, on va s'écouter pour finir. Ta conclusion quand même. Moi, ma conclusion, vous avez foutu votre merde, donc le débat sera remis pour la semaine prochaine. Oh, il y en a qu'un qui a fait son boulot, c'est Rigaud. Et je l'ai pas entendu de la soirée. Il y a que lui qui a fait du bon boulot. Et Manu, peut-être au premier débat, mais moyen, parce que par moment donné, y avait des trucs. Ça a chié des fois, oui. Donc, le seul qui a fait son boulot correctement, c'est moi. C'est Emmanuel. Emmanuel, quand même. Et Fildar. T'as rien foutu. L'autre, tu l'as laissé faire ce qu'elle a voulu. Alors, moi, je vais te dire une chose. Si c'est pour avoir une nana dans l'équipe qui foutre rien. Devant ton micro. Hein, une nana dans l'équipe comme devant ça. Ton micro. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Autant qu'on reste une équipe comme on était, comme à Neuilly. Non, moi, je vais te dire une chose. Avec une poufiasse, on n'est pas bien. On est bien entre mecs. Non, non, mais moi, je vais te dire une chose, ce qu'on regrette, c'est... Moi, ce que je regrette, c'est que Ginny ne soit plus là et Julie. Parce que, au moins... Si elle t'aimait bien. Hein. Ouais, même, c'est pas ça, c'est qu'au moins, ça se passait mieux non, et c'était mieux, les débats. Tandis que là, c'est de la merde. Putain, les filles, ça nous manque sur Fun. Hein. Enfin, bref, c'est pas grave, donc, Et le doc, hein, tu te souviens du doc? On va s'écouter pour finir les Patriotes du cul avec... Et Lorenzo aussi. Et Raid Aérien sur ma dent devant et... Dent devant, celle que tu n'as plus. Voilà. Avec ma dent de devant et donc je vous retrouve dimanche soir avec Sandy. Et avec plaisir. Et pour savoir ce qu'on a fait du petit week-end. Oh, ça doit ça. Et en plus, il y aura des petits comptes à régler, donc on va s'amuser. Oui. Donc voilà, donc sur ce, ben, je vous laisse en compagnie de Seb pour la nuit sans pub. Et ben, je vous retrouve dimanche soir et vendredi. Vendredi, qui c'est qu'il y a à la locose. Qui c'est qu'il y a comme Gigi à la loco, je crois qu'il y a Max. Il y a Duplantier. Je crois que j'ai vaguement entendu, je crois ouais. qu'il y a... Lidiard quand même. Il y a un Gigi allemand pour la première fois à la loco. Il y a un espagnol aussi. Didi Coucou. Je sais pas, Max il est pas là donc il peut pas. Bah ouais, c'est le problème. Bon, tu veux qu'on l'appelle son portable? Non, mais de toute manière, si on l'appelle, moi je vais lui dire que vous m'avez foutu de la merde. Il y a surtout Terry Lebron Junior. Voilà. Je pense qu'il y a Max, non? Non, il est pas Terry Lebron Junior qui est très connu. Max, il sera où ce week-end? Il a pas une soirée de prévu? Tu es entre copains. Non, c'est ouais, voilà, ouais. Je crois qu'il fera. Je crois que la semaine. Ah, ben justement, on va en parler. Donc, si vous voulez venir d'ici 8 jours à la grande soirée que Max fait, c'est avec toute l'équipe pour l'anniversaire de Rigaud, oui. Il me semble. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Ce sera où? Donc, ça sera à l'Écho du Lac en Normandie. Et je pense que L'Écho du Lac, c'est à Torigny-sur-Vire. Voilà, Torigny-sur-Vire. Donc, venez nombreux pour l'anniversaire de Rigaud. J'y serai personnellement, je pense. Il y aura Pildar, il y aura Manu, il y aura Rigaud. Il y aura toute l'équipe. Je pense qu'Apolline n'y sera pas. Il y a Rigaud qui vient pas. Si, Rigo est bien, c'est son anniversaire, tu crois qu'il va... Non, mais il fait par téléphone, il fait par téléphone. Mais non, mais attends, il va... dis-lui pas qu'il vient pas, parce qu'il va te massacrer. Bon, déjà, tu fais la bise. Hop, sur ce... Sur ce, on vous laisse et vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub. Et je vous dis à la semaine prochaine, je vous dis.